Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Je vais gagner votre animateur et avec moi, Daniel Carosella, celui qu'on a. Ah. On attend après lui là, tout le temps. Oui, tout le temps, mais c'est ça, vous pouvez pas vous passer de moi. Hey, j'ai retrouvé la voix cette semaine, c'est pas pire. Ah ouais? Y a-tu une chaise qui s'est revirée pour te prendre dans son équipe? Non, ben, il y a eu l'influenza, c'est ça. Non, il a retrouvé la voix du B. Du B avait enterré la voix en sa poche parce qu'il était tanné de travailler avec. Il a retrouvé la voix. Ok, je vais être à TVA Sport, puis moi aussi, je vais faire des simulations de game sur une fausse patinoire qui ne servent absolument à rien. Nice. Après les parties de hockey. Fait que là, Paul Byron, ça se compare-tu avec Sidney Crosby? Mais bien sûr. Ouais. Ouais, mais pourquoi quand t'as deux minutes de pénalité puis l'autre équipe compte un but, tu perds un 2 minutes? Je comprends pas. Tu peux-tu m'expliquer? On reviendra pas là-dessus. Non, je peux aussi t'expliquer pourquoi ils font du patinage artistique en traînant un autre joueur puis finalement marquer un but. En tout cas, bref. Okay. On reviendra sur la POC. C'est bon. Avec nous, Luc Desormeaux. Hey, salut. Salut. J'ai pas de qualificatif pour toi, là. Correct, il n'en existe pas. Non, c'est ça, t'es hors des limites des qualificatifs. Et aussi avec nous, on a Jonathan Turcot! Qui fait des pieds et des mains pour nous avoir une nouvelle introduction de show pour qu'on puisse le nommer, parce qu'après un an, on dit toujours pas son nom dans l'intro, fait qu'il sent un petit peu froissé. Mais faut que tu gagnes des galons avec nous autres, t'sais. Faut que tu mérites d'avoir ton nom dans l'intro du show. Hey, c'est déjà beau que je mets son nom dans l'article. Dans la description. La description du show, il est là. Fait que, au moins, il y a ça de gagner. Mais ouais. Ça fait un an qu'on le coupe dans ses chroniques. Fait que, c'est normal qu'on le coupe dans l'intro. Il écoute pas les shows, il sait pas, il parle pour rien. On coupe ça au montage. Exact. Cette semaine sur le show, on va revenir sur la grosse actualité dans l'univers vidéoludique. Bien entendu, l'annonce officielle de la Nintendo Switch avec quelques informations. C'est Daniel qui va nous parler de ça. Luc va nous parler d'un émulateur en lien avec sa chronique de la semaine passée où est-ce qu'il nous a parlé de Raspberry Pi. Et moi, Joe et Daniel aussi, on va parler de Steep et on va s'ostiner parce qu'on n'est pas d'accord. Puis c'est bien tant mieux, on a le droit. Écoute, ça va être très approximatif, mon affaire. Là. J'ai pas joué longtemps, puis ça fait longtemps. c'est bien correct. Ça va être ça. Avec quoi vous voulez qu'on commence? Avec Nintendo, probablement, vu que c'est le gros truc. Bon, oui. Bon, Daniel, vas-y. Allez. Oui, donc 13 janvier dernier, bon, nous on enregistre le 15, excusez pas le 13, le 12. Le 12, en fait, Nintendo avait dit, bon, on le sait que vous avez pas grand-chose au niveau de la Switch, fait qu'on va tout dévoiler le 12. Puis, bon, c'était très attendu, et moi, je me suis couché quand même assez tard, parce que c'était, je pense, à 11h du matin, heure du Japon, ce qui fait à peu près 23h, heure d'Amérique du Nord. Donc, ouais. Ben, Amérique du Nord, heure de notre coin ici, là, c'était à 8h en Californie. T'sais, ouais, ça, c'était pas si pire. On a 3 heures de différence avec eux autres, fait que c'était 11h. Ça commençait à faire tard. Moi, mon heure de dodo était passée. Fait que j'ai rien regardé. Pas la mienne, là, mais c'est parce que, tu sais, j'étais debout, puis là, je m'attendais quand même à quelque chose de très intéressant. Je vais vous dire, pour ceux qui n'ont pas vu la conférence, comme toi, je pense, JB. Ouais, non, moi, je l'ai pas vu. OK. Ben, il y avait plein de moments un peu malaisants. Il y a eu des pauses d'animateurs que tu comprenais pas trop pourquoi, là. En tout cas, même Suda 51, qui est quand même un développeur connu dans l'industrie du jeu vidéo, a essayé de faire peur au monde. Ça a comme pas marché. Il y avait plein de petits moments malaisants de même. Puis, sérieusement, je me questionnerais au niveau de Nintendo. Par rapport à la traduction des conférences, parce que c'était, désolé l'anglicisme, mais « dull » sans bon sens. Fait que tout ça pour dire que quand la, parce que oui, on a beaucoup montré la Switch et tout. Moi, je m'attendais à ce que justement, tu sais, on dévoile pas mal tout en prévision du lancement qui a été confirmé pour le 3 mars prochain. Le problème, c'est qu'on la conférence est terminée, puis il y a beaucoup de zones grises. Puis là, je sais que je vais me faire lancer des rushs parce que on dirait que dans ce beau monde, quand tu critiques Nintendo, c'est mal vu. C'est pas bien. Tu critiques une tranche complète de la population. Ah, vraiment, là, tu sais, puis c'est... En tout cas, tu sais, je veux dire, j'adore Nintendo. J'ai toujours adoré cette compagnie-là depuis que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, ce qui m'empêche pas d'avoir un regard minimalement critique puis de questionner certaines choses. Mais de la mesure que t'évoques quelque chose de négatif, désolé, là, mais les fanboys là, qui arrivent puis qui te sautent dessus en disant ben voyons donc, tu comprends pas. En tout cas, bref, je me suis fait un... Non, je sais que je comprends pas. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Venant d'un gars qui a acheté un kit complet de VR. Ouais. Hey, c'est cool, la VR. Mais tout ça pour dire que je trouve qu'il y a beaucoup de zones grises. Puis tu sais, je reviendrai pas sur tous les éléments. Je vais juste y aller. Je vais y aller point par point là au niveau de ce que je pense. Bon, au niveau du prix, il y en a qui trouvent ça élevé. Ici, ça va être 400$. C'est 299 US. Ça a été confirmé pour 399 canadiens. Mais c'est le prix que je m'attendais, moi. Mais si tu mets avec l'inflation, les autres consoles, oui, le prix semble être plus élevé, mais en réalité, je pense que c'est comme la deuxième plus basse après la GameCube. Ouais. Ouais, c'est ce qui a été dit, que c'est la deuxième plus basse. La seule chose, moi, que ça accroche un peu, oui, c'est 400$. Puis oui, c'est peut-être la console de Nintendo, la deuxième moins chère qui est sortie, mais ça reste que à 400$, elle reste plus chère qu'une PlayStation 4 puis qu'une Xbox One, qui sont des machines plus puissantes avec une librairie plus étoffée, puis avec des jeux pour des gens peut-être un peu plus matures ou plus âgés. Fait que je me demande juste, c'est juste de ce côté-là que ça accroche un peu de mon bord. 400$ pour une console qui va sortir, qui n'aura pas de jeu presque au lancement. Bon, il est supposé avoir Zelda, mais selon ce que j'ai lu, ça va être un an avant d'avoir un Mario. Fait que là, on va encore attendre un peu comme on a eu sur la Wii U. C'est pas de jeu trop au début. Puis là, à un moment donné, il y en a sorti quelques-uns, mais t'sais, la librairie de la Wii U, il y a certains bons jeux, là, mais il n'y a pas des millions de jeux. Là. C'est pas la Wii, puis c'est pas la GameCube. C'est un peu là que ça accroche pour moi. C'est 400$ pour une console qui n'a pas beaucoup de jeux. Quand tu peux payer 50$ de moins pour avoir une One S. Ouais, mais c'est comme si tu me disais à la sortie de la PS4, ben écoute, pourquoi j'achèterais elle? Elle est plus chère, il n'y a quasiment pas de jeux, alors que je pourrais acquérir une PS3 qui en a plein de jeux. Ouais, mais là, de la PS3, tu parles d'une console moins puissante. La PS4, tu parles d'une console quand même plus puissante avec des graphismes plus poussés que ce que la Switch va nous donner. Mais la Switch va nous donner la possibilité d'aller jouer en dehors. Puis C'est que la Switch est une console portable. Donc, tu sais, leur New Nintendo là, 3DS là, est rendue encore 240-250. Fait que tu sais, ils pouvaient pas vendre la nouvelle Switch juste 50$ de plus, ou moins cher ou le même prix parce qu'elle fait. C'est un peu hybride entre les deux. Fait que tu sais, c'est un peu normal. Puis faut pas que tu la compares avec la Xbox One ou PS4 parce que c'est une console portable. Faut la comparer avec la Vita et la 3DS, tu sais. Encore là. Mais moi je la vois juste côté prix. Moi, je me serais attendu que Nintendo l'aurait sorti à 350. Ça veut dire le même prix que les, bon, en gros guillemets, les compétiteurs. Ben, c'est probablement que ça aurait peut-être moins chiolé un peu. Mais en même temps, c'est notre taux de change aussi fait mal. Tu sais, 300 aux États-Unis. Ouais, c'est ça. La question, ça va être, est-ce que ça va valoir 400$? T'sais, peut-être que ça va être la meilleure console que Nintendo aura jamais faite. Là, fait que c'est encore là, c'est un coup qu'on va l'avoir entre nos mains, qu'on va jouer un peu avec, qu'on va pouvoir se faire une bonne idée. Mais j'aime le principe de la console. Est-ce que présentement, je suis prêt à payer 400$ pour ça, avec le fait qu'il n'y aura peut-être pas de jeu avant 6 mois, 1 an après la sortie de la console? Ouais. Mais l'autre affaire aussi, c'est que Microsoft et Sony ont toujours vendu leur console un petit peu à perte au départ pour pouvoir prendre le marché, tu sais. Mais Microsoft et Sony ont quand même un portefeuille, diversifié. T'sais, Microsoft, il fait pas juste des consoles de jeux dans leur business, là. Puis Sony non plus, il fait du cinéma, il fait d'autres choses. Tu sais, Nintendo, c'est un constructeur de consoles puis de jeux. Fait que je pense pas qu'ils peuvent se permettre je pense pas que la vendent à perte, c'est pour ça qu'on a ce prix-là. Tu sais, je pense qu'ils ont une petite marge de profit, puis c'est comme, on peut pas vendre des consoles à perte, parce que c'est juste ça qu'on fait, des consoles puis des jeux. Alors que Microsoft peut absorber une perte au départ, puis tu sais, essayer de raffiner leur technologie pour pouvoir avoir des pièces moins chères, mais c'est connu que la Xbox One puis la PS4 est vendue à perte au départ. Peut-être pas maintenant, parce qu'ils se raffinent, non, mais... Ouais. C'est sûr que Microsoft peut toujours s'en prendre avec leur vente de téléphone. Ah, mauvais exemple, excuse. Non, mais tu sais, juste leur vente de logiciels ou tu sais. Non, ce qui a vraiment remis la compagnie sur la traque, c'est la Zone. Mais je veux revenir sur un certain point. Quand il y a eu l'annonce au E3 de la PS4 et de la Xbox One, une des affaires qui a fait en sorte que la console de Microsoft a eu de la misère, c'est la mauvaise communication de leurs intentions. Le fait de pas avoir de disque physique, de pas pouvoir partager, toutes ces choses-là, même 4 ans plus tard, résonnent encore chez le consommateur, même si ce ne sont plus des réalités, et ça a miné les ventes. Là où est-ce que moi j'ai de la misère avec la méthode Nintendo, c'est qu'ils étaient seuls, puis ils réussissent eux-autres même à miner leur lancement. Donc ouais, le prix, si t'arrives pas à le justifier, si t'arrives pas à donner des arguments qui sont clairs et que tout le monde s'entende, là on est même pas entre nous autres, on est en train de se dire ah, il y a quelqu'un qui dit ah, c'est une console portable, elle se bat contre la 3DS puis la Vita, alors que tout le monde pense en général que c'est une console de salon. C'est même pas clair qu'est-ce que le produit est censé être. Comment après ça tu veux pouvoir justifier le prix que tu demandes? Ben il y a pas juste ça. Il ouais. Y a pas, tu sais, je regardais là au niveau, tu sais, on a aucune idée des applications qui vont être supportées, on n'a aucune idée de l'interface, on n'a aucune idée des options en ligne. Tout ce qu'on sait maintenant, c'est que de mars à l'automne prochain, en ligne, ça va être gratuit. Mais après ça, pour jouer en ligne, à partir de l'automne prochain, ça va être payant. Combien, on le sait pas. Tu sais, Nintendo a dit aussi qu'il allait offrir un jeu NES ou Super NES, là. En tout cas, ça, c'est comme pas clair. Par mois. Mais encore là, c'est pas clair parce que c'est marqué vous allez l'avoir pour un mois. Mais est-ce que ça veut dire que le jeu va être disponible pour un mois comme les jeux gratuits du PlayStation Plus? Mais tu sais, c'est tellement pas clair. Fait que là, dans le fond, tu vas te ramasser avec un jeu NES ou Super NES que tu vas pouvoir jouer un mois. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est de débarrer un jeu un mois. Mais moi, je veux essayer de comprendre pourquoi ils ont fait une conférence de presse si c'est pas pour amener plus de réponses que de questions. Ça leur donnait quoi? Ils sont tout seuls. Ils décident quand ils font leur conférence de presse. Il y avait pas de presse. Là. Si t'as pas d'infos, sors pas. Mais je trouve ça un peu particulier ce qui se passe avec la Switch parce que c'est un peu contraire à ce que Nintendo a fait dans les dernières années. Je peux vous dire, de point de vue intérieur, que Nintendo a sorti de budget au niveau médiatique. Oui, ils ont organisé une conférence, là, mais là, ils amènent des journalistes. En tout cas, je sais qu'au Canada, c'est pas vraiment un secret, là, mais à la fin du mois, ils amènent un paquet de journalistes à Toronto là, pour essayer la Switch, ce qui va leur coûter quand même beaucoup, beaucoup de bidou. Puis ils font ça un peu à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, tu sais, fait que ils ont beaucoup sorti ça. En même temps, ce sur quoi moi je me suis questionné quand j'ai vu la conférence, c'est est-ce que ça va valoir la peine d'en avoir une en mars? Puis pour ma part, puis je l'ai dit, puis je vais le répéter, pour ma part, je vois pas l'intérêt d'en avoir une en mars. C'est sûr qu'éventuellement, je vais en avoir une, mais en mars, là, quand ça risque d'être backorder, puis là, que le monde va se battre, là, puis ça va, il va y avoir du sang un peu partout, là. Mais tu sais, je vois pas l'intérêt. Puis une des raisons pourquoi je vois pas l'intérêt, au-delà du fait qu'on sache pas grand-chose, là, c'est le fait que il va avoir à date là, il y a 4 jeux de lancement qui sont confirmés. Puis Nintendo de son côté a tout misé sur Zelda, tout. Puis qui va être disponible sur Wii U aussi. Oui, en même temps, la même journée. En même temps. Mais tu sais, j'avoue que Zelda a l'air assez écœurant, merci là. J'ai vraiment hâte à ce jeu là. Tu sais, une espèce d'ambiance un peu plus noire, mais tout est misé sur Zelda parce que l'autre jeu que Nintendo va lancer, c'est One Two Switch. Ouais, c'est des mini-jeux, là. Ouais, c'est des mini-jeux, puis je suis loin d'être convaincu, là. Sérieusement. Ça va être un jeu qui va être vendu 70$, je pense. C'est des mini-jeux. Puis tu sais, ça n'a pas de l'air. Ça n'a pas de l'air extra, là. Tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi, là, les vidéos qu'ils ont montrées, là. Tu sais, à un moment donné, tu vois, pour One Two Switch, tu voyais deux cowboys, là, qui faisaient semblant de se tirer, là. Je sais comment c'est bol. OK, ça. Où tu voyais une famille, genre, dans le parc en train de jouer, là, puis qui avait l'air d'avoir tellement de fun. Mais c'est même pas clair la façon que tu vas y jouer. Tu sais, on dirait une manette IKEA, on dirait une console IKEA où est-ce que ben t'as plein de morceaux, puis tous les morceaux sont pas obligatoires, mais si t'es là, tu peux débloquer des options. Comment est-ce que les tierces parties vont être capables de jongler avec ça? Comment tu fais un jeu pour atteindre le plus grand nombre quand tu essaies de le développer, le jeu, pour la One, la PS4 et la Switch? C'est quoi le dénominateur commun? Ben, dénominateur commun, c'est que la Switch a bien des morceaux que c'est pas tout le monde qui va en voir. Non, mais en fait, c'est pareil à Wii aussi. Ouais, non, mais en fait, la Switch, c'est l'écran avec les manettes, c'est tout, là. Il vient un dock que tu mets tes deux petites Joy-Con dessus, une espèce de dock, puis ça te fait une grosse manette. Ouais. Fait qu'il n'y a rien de spécial, là. Il y a pas. Puis les manettes, oui, sont en mouvement, là, les deux petites manettes qui se détachent, là. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Là. C'est comme si tu avais une 3DS ou une Vita que tu peux enlever les deux côtés, juste garder l'écran. Puis ces deux petits côtés-là, tu le mets sur un dock, puis ça te fait une manette. Puis cette manette-là, elle vient avec la boîte. Là. Mais tu sais, avant de passer à ça, c'est juste que pour le lancement, tu sais, voir Zelda, voir One Two Switch, tu sais, mais One Two Switch, je sais pas, là. En tout cas, personnellement, ça m'a pas trop énervé, là. Vous allez avoir aussi Bomberman. Ouais. Qui a l'air correct, là. Tout ça a l'air cute, là. Un jeu de boxe, là. Ouais, mais Arms, je pense qu'il est un petit peu plus tard. Il est même pas pour le lancement. Ah, ok. Fait que je me rappelle plus c'est quoi le dernier jeu là, qui va être lancé pour le lancement, mais c'est pas un jeu. C'est un jeu considéré mineur. Mais tu sais, tout ce qui est Skyrim là, qu'on a amplement vu, oui, ça a été confirmé, mais c'est à venir en 2017. Super Mario Odyssey, que moi j'ai vraiment hâte là, de jouer. Ça va être probablement le jeu du temps des fêtes. Splatoon 2 est pas privé avant cet été. Puis d'ailleurs, ouais, Splatoon 2. Ben, Splatoon 2, c'est parce que tu vas pouvoir y jouer gratuitement en ligne jusqu'à cet automne, puis après ça, ben, paye. Fait que, tu sais, il va avoir ça aussi à considérer. Tu sais, il y a beaucoup de trucs qui ont été démontrés, qui ont l'air intéressants. Tu sais, on sait qu'il va y avoir un autre No More Heroes, mais qui est quand même un jeu assez niche. Il y a un RPG de Square aussi qui s'en vient, qui est Project Octo Whatever. Là. Ouais. Il a l'air cool. Ouais, non, ça a l'air vraiment bien, fait par ceux qui ont conçu Bravely Default. Mais tu sais, n'empêche que au lancement, moi de mon côté, je vois pas l'intérêt d'aller me battre pour avoir une Switch là. Puis tu sais, je l'ai pas précommandé parce que je considère que quand il va y avoir assez de stock, tu sais, probablement cet été, voire début de l'automne prochain, là, je pense que ça va valoir plus la peine d'avoir une Switch que le 3 mars prochain. Où oui, il va y avoir Zelda, mais j'ai déjà une Wii U, puis je pense que je peux me contenter. Tu sais, la seule différence entre les deux, ça va être au niveau des textures. Entre les deux versions. Moi, je l'ai précommandé. Ouais, mais toi, tout est fou. pour de vrai, je me suis juste dit parce que oui, j'aurais pu jouer à Zelda sur la Wii U, mais c'est sûr que je vais l'avoir. C'est sûr que je vais l'avoir dans ma vie. Puis la console, là, je ne m'attends pas à ce qu'elle baisse de prix. T'sais, dans les genre 2, 3, 4 prochaines années, il va peut-être baisser de 50$ au final. Bon. Ouais, mais c'est parce que tu vas peut-être avoir un bundle à un moment donné, peut-être Mac Mario sort ou quelque chose comme ça, tu vas peut-être avoir une console avec un bundle, tu sais. Peut-être, mais ils te le vendent le jeu dans le bundle. Là, ouais, mais peut-être qu'au lieu de payer 400 plus, mettons, 70 pour le jeu, ben, tu vas peut-être payer, mettons, 425, 450. Okay. J'ai sauvé 30$, puis je vais l'avoir tout de suite. C'est parce que c'est sûr que je vais l'avoir, puis ça ne me tente pas de courir dans les magasins comme un malade après. Tu sais, en tout cas. C'est uniquement pour ça, puis j'attends Zelda. Fait que je vais jouer à Zelda, puis après ça, il y a des jeux qui s'en viennent que j'avais pas joué sur la PS4, comme I Am Setsuna, que je veux jouer, qui vont sortir là-dessus. Donc, tu sais, je vais aller jouer là-dessus, là, puis je veux remplacer ma 3DS, dans le fond, que tu sais, je trouve qu'elle est un petit peu vieillotte, puis je veux la remplacer. Fait que dans le fond, c'est uniquement pour ça. Là. Parce que ça me tente pas. Cet été, c'est clair qu'il n'y en aura pas encore, là, des Switch dans les magasins. Il va en avoir deux, puis tu vas avoir de la misère à en trouver une, tu sais. Bon, mais tu sais, moi, ça, en tout cas, moi, ça m'énerve pas trop, mais tu sais, c'est ça. Moi, pour le moment, j'ai pas vu d'intérêt à en avoir une sur le coup. Puis là, je veux juste être clair, ça veut pas dire qu'il y a pas d'intérêt pour ça. Ça veut juste dire que moi, j'ai pas vu l'intérêt d'en avoir une dès le lancement. Juste avant de clore là-dessus, je veux juste dire, il y a eu quand même des douches froides. Tu sais, la console va avoir 32 gigs de mémoire, ce qui, pour moi, démontre que c'est pas une console qui va être adaptée par rapport au marché en ligne. Juste Zelda, là, pour ceux qui vont l'acheter en ligne, c'est 13 gigs, le jeu. Fait que déjà là, t'as le plus du tiers de ta mémoire qui vient d'être enlevée. Il faut pas oublier qu'on est dans un marché aussi où il y a beaucoup de mises à jour qui sont pesantes. Je me rappelle encore de Halo 5. Daniel, 13 gigs pour Zelda? Oui. Mais on a vu des jeux qui n'avaient pas l'ampleur de Zelda, en tout cas en termes de monde, qui pesaient plus lourd que ça. Oui, c'est comme je sais. C'est comme contradictoire. Là. En tout cas, ça vient de me faire peur. Là. Ben, écoute, ça a juste été confirmé. Ça va être 13 gigs. Fait que, tu sais, autant sur Wii U que sur Switch, là, le jeu devrait peser 13 gigs. Mais la Switch, c'est pas une console qui est 720p et non pas 1080p? Elle va pouvoir diffuser sur ta TV du 1080, mais l'écran qui va être tactile, là, donc l'espèce de tablette, elle va pouvoir diffuser du 720p. Ouais, tu fais peut-être d'upscaling à 1080 pour les télés. Fait que, tu sais, tu sauves peut-être sur la grosseur du jeu par la qualité vidéo, des choses comme ça. Là, regarde. Okay. Mais juste de même, 32 gigs, c'était pas ce qu'il y avait dans Wii U noir. Oui, oui. Effectivement. Ok. Okay. Juste là, avant de me faire pitié d'autres rushs, oui, vous allez pouvoir ajouter des cartes micro SD, genre des cartes, ça me fait rappel l'épisode des cartes mémoire de la PS2, là, jusqu'à 256 gigs, vous allez pouvoir les ajouter, mais tu sais, ça représente encore d'autres frais. Je sais que c'est pas énorme, là, ça vaut pas super cher. Ben, les cartes 256 gigs, c'est pas donné, là. Tu parles de 100 quelques piastres. M'aller voir pendant que tu joues. Puis tant qu'à ça, j'aime mieux un disque dur externe où est-ce que tu es capable d'avoir un tera pour. C'est quoi, c'est même pas 100 piastres maintenant, là? Mais c'est pas supporté sur Switch. Non, c'est ça. Non, parce que c'est vraiment une console portable. Tu sais, tout est sur le portable. Fait que ça va avec les gigs qu'on a sur des iPads, puis c'est portable. Tu sais, t'auras pas de Tera. Mais c'est drôle que. Ben, puis encore là, j'en reviens sur la stratégie. Pourquoi faire ce type de console-là quand la Vita est morte, puis la seule qui domine le marché, c'est déjà la tienne? Je pense que c'est plus. Ils vont se compétitionner un petit peu, mais d'un autre côté. C'est une belle console. Il faut avouer, ça a de la gueule comme patente. Puis le fait de pouvoir t'en aller, tu sais, jouer tes parties partout, puis tu sais, jouer sur ta grosse TV, tu pars, tu peux jouer dans le métro en t'en allant à l'ouvrage, tu peux jouer sur ton heure de dîner au travail, tu reviens à la maison, tu continues ta même partie. C'est quand même cool. Le principe est cool. Fait que dans le fond, t'sais, c'est une Super Game Boy. Super. 2DS parce qu'elle n'est pas 3D. Tu veux une carte 256 gigs, une Samsung, fait quelque chose de qualité, là, c'est 250$. Oui. Tu peux avoir une 200 gigs à 100$ chez Lexar ou tu peux avoir quelque chose qu'une Patriot à 200 gigs à 90$. Mais si tu veux quelque chose de moyennement bonne qualité, là, 256 gigs, c'est 250, 200$, 150$. Fait que faut que tu rajoutes 150$ sur. C'est le montant de ta console. C'est pas ça, c'est une micro SD. Si tu veux une SD, 139$, une 256 gig Lexar. Mais juste avant de clore, là, dernière chose, le prix des accessoires, c'est assez élevé, merci. Là. C'est ça aussi, ça a été une méchante douche froide. Quand j'ai vu, moi, les Joy-Con, là, qui sont les deux manettes que tu vas pouvoir attacher, j'ai fait « Ah, mes grosses mains pleurent déjà du sang ». Parce que ça a l'air tout petit, les Joy-Con, vraiment. Là, j'ai hâte de voir comment ça va être dans mes mains là, quand je vais les tenir, mais ça a vraiment l'air. La disposition est particulière parce que c'est une disposition pour quand tu es attaché avec l'écran. Donc, oui, les boutons qui sont tout de suite à portée de pouce en dessous, tu sais, et vice-versa. Là. Ouais. Sauf que quand tu joues les deux mains sur ça, c'est que tu es vraiment rapproché, là. Oui, exact. Fait que c'est pour ça que je dis que moi, mes grosses mains, là, j'ai des grosses mains. Là, qu'est-ce que tu veux? À la grandeur que j'ai, il faut bien que j'aille les mains qui vont avec. Tu comprends-tu? Fait que, mais tout ça pour dire que, tu sais, un autre pack de Joy-Con, tu sais, mettons, là, je sais pas, là, vous êtes plus que, tu sais, vous êtes une famille, puis vous voulez avoir plus qu'un ensemble de Joy-Con, ben ça va vous coûter 100$. c'est 100$ un ensemble de Joy-Con. Si vous voulez une manette pro, c'est 90$. J'avoue que là, il y a du. Tu sais, j'ai l'ensemble là, des commentaires que j'ai vus, les gens trouvent ça très cher. Très, très, très cher. Puis je les comprends. Là, mm-hmm. C'est vraiment pas donné. Ouais, mais en même temps, moi, je trouve qu'ils sont. Tu sais, les Joy-Con, c'est comme des choses à détecteurs de mouvement. Là. Un peu comme les PS Move. Là. Les HD Et, Rumble, comme ils ont c'est dit. C'est ça. Puis va t'acheter une 2 PS Move présentement. Là. C'est 130$ 2 PS Move. Tu sais, je veux dire, c'est. Ouais, c'est cher. Tu sais, c'est vraiment assez le prix. Là. Je sais pas pour. Je sais pas à quoi le monde ça. Tu sais, oui, un peu trop cher peut-être parce qu'une manette. Une manette de Xbox One neuve, c'est quoi, 70$? Mais à peu près, oui. Mais tu là, fais quoi avec des manettes Move de même sur une console portable? Tu mets l'écran sur une surface, puis tu donc, tu t'es plus portable à ce moment-là? Mais t'es portable, dans l'autobus, tu mets ton écran sur un banc, puis tu switches avec tes manettes? Non, au gars, une table de restaurant, là. Non, mais tu sais, c'est juste la Switch démontre encore que Nintendo est rattaché par rapport à toute la détection de mouvement, ce que moi, je suis loin d'être convaincu. Tu sais, on regarde Kinect, on regarde Move. OK, là, ça a eu un petit peu un regain avec le VR, là, mais à part de ça, je veux dire, c'est pas mal mort. Là. Même dans au niveau de la Wii, là, tu sais, ça baissait là, de façon assez drastique là, vers la fin de la console. Fait, mais Nintendo demeure rattaché à cette idée-là du fait que la détection de mouvement, c'est une belle façon de jouer. Fait que c'est pour ça que la techno qu'il y a dedans, c'est ce qui fait en sorte que les manettes sont plus chères. Fait que c'est une console qui est, oui, intéressante. Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt d'en acheter une dès son lancement. Je vois l'intérêt, par exemple, sur un petit peu plus long terme. Je vous en reparlerai de la Switch parce que je vais pouvoir l'essayer dans quelques semaines. Donc, je vous en reparlerai. Ah ouais, tu t'en vas à Toronto. Peut-être. mais je vous en reparlerai là, du feeling là, de comment que c'est là, okay. Avec la console en main. C'est bon. Luc, tu veux-tu y aller avec ton émulateur? Mais why not? Basculer du côté obscur de la force. Ah ouais, pourquoi des noix? Why not? C'est ça, je vais vous parler d'un émulateur en particulier aujourd'hui. La scène de l'émulateur, là, c'est vraiment énorme et on peut pas couvrir ça tout dans une émission. Fait que j'embarque un peu là-dedans présentement. Ça fait des années que je joue avec les émulations puis les PC virtuels et tout ça. Mais je vais vous en parler un peu parce que j'ai reçu mon Raspberry Pi 3 cette semaine. Donc, j'ai commencé à jouer avec le 3. La semaine passée, je vous parlais du Raspberry Pi 1. Un des émulateurs les plus appréciés du monde de l'émulation. C'est un émulateur qui s'appelle MAME, M-A-M-E, pour Multiple Arcade Machine Emulator. Donc, c'est un émulateur qui va simuler les machines d'arcade originales, donc les bornes d'arcade. Là. Tu sais, peut-être la plupart du monde qui écoute, peut-être qu'ils ne se rappellent pas de ça, là, mais dans mon temps, tu allais dans une arcade, donc tu rouvrais une porte, puis il y avait des machines, puis là, tu dépensais les 25 cents là-dedans. C'est presque mort. Je pense que ça existe presque plus. Je sais même pas. Je suis vraiment vieux. Hein? Non, mais il y en a encore certaines places. Des fois, vous allez dans des salons de quai, des choses comme ça. Il y a encore des machines, mais il n'y a plus vraiment d'arcade en tant que tel. Il y en a un peu à Montréal. Il y a Arcade Montréal. Il y a certaines places, mais c'est très, très rare maintenant. Mm-hmm. Dans mon temps, c'était commun. Il y en avait dans les centres d'achat. Puis, les cinémas. Un cinéma, il y avait même une place, je me rappelle le dimanche matin, la place ouvrait à 9h, tu donnais 5$ puis tu jouais jusqu'à midi. Fait que de 9h à midi, le gars mettait des crédits dans toutes les machines puis tu pouvais jouer avec ton 5$, tu pouvais jouer pendant tout ce temps-là. C'était vraiment super le fun. Donc, c'est un peu revivre le temps des arcades. Ce qu'il a même fait, bon, un, vous le téléchargez. Il y a plusieurs versions de MAME. C'est maintenant, c'est vraiment pris en charge, puis c'est mis à jour, je pense, tous les mardis. Il y a une nouvelle mise à jour de MAME qui règle des petits bugs, qui va rajouter des compatibilités avec certains jeux qui ne sont pas compatibles. Mais c'est vraiment un émulateur qui va simuler tout ce qui était la mécanique, la carte maîtresse de certains jeux vidéo. Donc, il faut installer MAME. Regardez sur Google, recherchez MAME. Il y a vraiment un site spécifique pour MAME, le site du développement que vous pouvez télécharger là. Il y a une version 32 bits, version 64 bits. Mais ce qui est très, très important, c'est selon la version de MAME que vous allez installer, il faut que les ROM que vous allez trouver, donc les ROM, c'est les jeux, soit compatible avec votre version de MAME que vous allez avoir. Donc, il y a les dernières versions de MAME ont une version de ROM plus récente. Il y a des bon, il y a plein d'applications qui vous permettent de convertir une vieille ROM à la nouvelle spécification, mais souvent les ROM de vieilles spécifications vont marcher sur les nouvelles sur les ordinateurs. Mettons que vous voulez jouer, je ne sais pas moi, vous voulez jouer au premier jeu de Mario, qui est Mario Bros. Ben, moi, j'en avais parlé à un moment donné de Mario Bros. Sur des émissions, puis à mon avis, il n'y a jamais eu une version de Mario Bros. Qui est aussi intéressante que la version qu'on avait eue à l'arcade. Il y avait toujours des petites choses. Mario Bros. Avait sorti, puis ça, c'est vraiment comme un des seuls jeux que Nintendo avait sorti sur une console qui n'était pas à eux, parce que la NES n'existait pas dans ce temps-là, donc Mario Bros. Était sorti sur l'Atari 2600. Et c'était horrible. C'était vraiment laid. Les tortues n'avaient pas l'air des tortues, les crabes n'avaient pas l'air de crabes, c'était vraiment affreux. C'était pas un bon port du jeu. Il y a eu, le Mario Bros. Est sorti sur la NES. Encore là, il y avait des petites choses, les tortues ne sont pas de la bonne couleur, il y a des affaires qui ne sont pas pareilles. Fait que pour moi, il n'y a jamais rien qui a à côté l'original, le Mario Bros. De l'arcade. Et avec MAME, vous pouvez jouer à cette version-là, qui est la version originale de Mario Bros. De l'arcade. Donc, vous installez MAME. Après ça, c'est de trouver les ROMs. Malheureusement, je ne vous dirai pas où trouver vos ROMs parce que là, c'est une zone grise. Hein? C'est sûr et certain que si vous émulez une NES, mettons, une console de salon, ben c'est possible d'avoir déjà acheté la cartouche du jeu de la console de salon. Donc, on peut dire, ah, mais si tu as la cartouche, tu peux toujours télécharger le ROM parce que tu as la copie physique, puis c'est comme un backup, tu peux toujours jouer. Il y a toujours ça. Les jeux d'arcade, à moins que tu aies payé 2, 3, 4 000 $ pour t'acheter la machine d'arcade, les chances que tu aies le ROM original de l'arcade sont extrêmement minces. Mais si vous allez voir sur archive.org, qui est extrêmement connu, c'est là que nos podcasts sont hébergés. C'est là que les podcasts de beaucoup de podcasteurs sont hébergés. Il y a même une section jeux vidéo sur archive.org où vous pouvez jouer dans votre Internet Explorer, votre Google Chrome. J'espère Google Chrome, Internet Explorer, il faudrait se parler. Mais vous pouvez jouer à des jeux vidéo de Atari 2005. J'utilise Netscape, ça marche-tu? Oui, ça ne passe pas trop de temps dans l'univers du gouvernement. Tu pourrais être déçu. oui, je confirme. Mais c'est ça, donc vous pouvez jouer directement dans votre furteur, mais sur archive.org, il y a certaines personnes qui ont posté les sets complets de ROM qui sont disponibles pour une certaine version d'émulateur. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, installer MAME sur votre ordinateur si vous voulez commencer à jouer dans le monde de l'émulation. Et puis après ça, faites des recherches sur Google. Mettons, quelle version de MAME, de ROM ai-je besoin pour telle version de MAME? Puis il va vous dire, bon, ça vous prend les ROM, je ne sais pas, moins 1.78 ou quelque chose comme ça. Et puis là, vous allez chercher sur Google, taper MAME ROM, puis la version. Comme les versions plus récentes, là, c'est moi, la version que j'utilise, c'est sur mon Raspberry Pi, c'est MAME for All que ça s'appelle. Moi, j'ai besoin des ROM 037B5. Okay? Mais les dernières versions vont avoir les ROM 078 ou d'autres versions. Donc, cherchez un peu. Mais, comme je disais, si vous ramassez les ROM 037 puis vous avez un émulateur récent sur votre ordinateur, il y a des bonnes chances que l'émulateur soit quand même capable de rouler le jeu. Donc, vous installez ça, vous trouvez un ROM, vous l'installez dans le folder. Il y a un répertoire qui s'appelle ROM, vous copiez ça là-dedans, vous partez l'application MAME, lui va aller voir automatiquement dans son folder ROM pour voir les jeux que vous avez installés et va vous les lister. Vous dites, bon, ben j'ai trouvé ça. Vous le démarrez. Vous pouvez jouer avec vos manettes. Vous pouvez configurer vos manettes. Si vous avez une manette d'Xbox 360, soit avec fil ou sans fil avec l'adaptateur ou une manette Logitech, je ne sais pas. Vous pouvez brancher ça et utiliser vos manettes. Vous pouvez configurer les clés. Vous pouvez changer quel bouton fait quoi dans le jeu. Des fois, MAME va prendre la manette, va la reconnaître et va assigner des boutons à son goût. Tu joues à un jeu des fois avec une manette d'Xbox, puis sauter, c'est pas A ou B, mais c'est X. C'est un peu moins qu'est-ce qu'on est habitué. Fait que vous pouvez le remapper, mettons, moi j'utilisais A ou B pour sauter. MAME est aussi beaucoup version clavier. Donc, si vous voulez rajouter, parce que dans ce temps-là, on payait avec des 25 sous. Donc, si vous voulez jouer un jeu d'arcade émulé avec même, il faut mettre un 25 sous virtuel dans la machine pour jouer. Donc, normalement, vous appuyez sur 5. 5 va rajouter des crédits. Ça va rajouter des sous dans la machine. Puis après ça, vous faites 1, 2, 3 ou 4 pour partir une partie à un joueur, deux joueurs, trois joueurs, ou même des fois quatre joueurs, parce qu'il y a des jeux qu'on jouait dans le temps qui avaient quatre joysticks après la machine. C'était des machines énormes, là. On pouvait jouer comme à X-Men. Là. Il y avait quatre joueurs qui pouvaient jouer, puis c'était un jeu de bataille. Fait que c'est des jeux qui peuvent être émulés sur même aussi. Donc, un coup, vous avez configuré ça. Là, vous pouvez commencer à jouer à vos jeux. Je vous dirais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube, de gens qui sont excellents sur YouTube, qui expliquent un peu comment installer toutes ces choses-là. Eux autres aussi sont un peu réticents à dire où vous allez trouver vos ROM, tandis qu'il y en a d'autres qui vont vous dire, ben regarde, tu vois-tu, regarde des liens que j'ai mis en bas dans YouTube, là, clique dessus, puis tu vas télécharger le set complet de ROM pour telle version de même. Il y en a qui font ça, il y en a qui le font pas. Moi, il y a un gars que j'ai découvert sur YouTube qui est excellent, qui s'appelle ETA Prime. C'est sûr que c'est anglophone, faut être capable de comprendre l'anglais. Mais lui, il passe vraiment à travers comment installer MAME, comment où copier, où mettre vos ROM, comment configurer les clés. C'est vraiment intéressant. Puis ça vous permet de rejouer à des vieux jeux. Moi, j'ai joué à Mario Bros. Punch-Out, l'original Punch-Out de l'arcade, Super Punch-Out de l'arcade, qui est encore là, on avait Mike Tyson Punch-Out qui était sorti sur la NES. Il y a eu Super Punch-Out qui est sorti sur la Super Nintendo. Super Punch-Out était beaucoup plus proche de ce que Punch-Out à l'arcade était. Mais encore là, il y a des personnages différents. On a essayé de rendre le jeu un peu plus peut-être friendly là, pour l'utilisation à la maison. Il y a plus de personnages. C'est différent, c'est pas pareil. Fait que moi, j'ai toujours aimé plus la version arcade avec même, vous pouvez jouer à ça, des vieux jeux comme Zaxxon, Joust, qui était un jeu où on était assis sur une autruche, puis tu te battais un peu comme les chevaliers avec les chevaux puis les perches. Là. T'as plein de jeux que j'ai redécouverts grâce à même. Fait que c'est super intéressant. Il y a des jeux d'arcade que vous ne pourrez pas jouer avec même, parce qu'il y a des jeux d'arcade qui demandaient soit des disques laser, comme Dragon's Lair, Space Ace, des choses comme ça. Un Mac 3, il y avait Austrian Belt, il y avait plein de jeux qui avaient un disque laser, c'était un film. Puis quand on faisait une commande, ben ça envoyait une commande au disque, puis il changeait de piste, puis il montrait un autre bout de film où on mourait, où on passait à la prochaine étape. Fait que ça, c'était vraiment différent. Là, les jeux qu'on parle avec même, c'est vraiment les jeux simples qui fitaient sur une carte avec des microprocesseurs et tout ça. Rien de disque laser physique là, pour où est-ce qu'il y avait de la vidéo plus avancée, tout ça. Mais toutes sortes de petits jeux. Il y a Super Mario Bros. Le premier Super Mario Bros. Était disponible à l'arcade aussi. Il y a une version de Mario Kart arcade aussi. Il y a plein de jeux. Il y a au-dessus, si vous avez réussi à trouver la collection complète des jeux sur MAME, il y a au-dessus de 4900 jeux de disponibles qui fonctionnent avec MAME. Mais c'est ça, c'est une question un petit peu grisâtre de savoir la légalité de la chose, mais c'est des choses qui ne sont pas disponibles ailleurs. Ça devient un peu comme collectionner, mais un peu pour garder ça vivant, parce que c'est impossible aujourd'hui presque de trouver une machine de Dragon's Lair dans une arcade ou une machine de Mario Bros. Dans une arcade ou des jeux un peu plus sombres, comme moins connus comme Joust. Il y avait même un jeu qui s'appelait Bubbles dans le temps, qui était fait par Bally Midway. Où c'était un jeu où tu étais une bulle de savon, puis tu nettoyais un lavabo. Ça a l'air vraiment palpitant, là. Mais tu ramassais des affaires, puis là, plus ta bulle grossissait, plus tu pouvais manger des ennemis plus gros. Puis un coup que tu avais fini, ben, le lavabo se nettoyait avec de l'eau, puis tu passais au prochain niveau. C'était obscur comme jeu, là. C'est vraiment rare. Il est disponible sur MAME. On peut revivre un peu notre jeunesse, pour ceux qui ont vécu ça, avec cet émulateur-là. Il est même disponible. Si vous avez une tablette Android ou un téléphone Android, vous pouvez chercher Mame for Droid, que ça s'appelle, et ça prend les ROM 037B5. Donc, si vous êtes capable de l'installer sur votre tablette et vous trouvez des jeux qui sont faits pour Android 037B5, pour choisissez vraiment Mame for All pour vos ROM, vous pouvez mettre ça sur votre tablette et vous pouvez jouer à ces jeux-là aussi sur votre tablette Android. Il y a un joystick virtuel, des boutons virtuels. C'est vraiment super bien fait. Il y a plein d'émulateurs aussi, ces tablettes. Quand je viendrai aux émulateurs NES, aux émulateurs Super NES, je vous donnerai aussi leur pendant Android. Sur les produits Apple, je n'ai pas cherché, mais vu que Apple est un peu plus réticent probablement à ces choses-là, c'est peut-être un peu plus difficile à trouver. Mais sur Android, il y a plein d'émulateurs NES, même Nintendo 64, c'est disponible. Mais essayez ça même si vous avez jamais des questions, quelque chose comme ça, si je peux vous aider, ben venez sur la page Facebook de Réalité Augmentée. J'essaierai de vous aider le plus que je peux, mais non. Je ne donnerai pas de lien pour les ROM. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que tu sais, les ROM et les émulateurs NES, Super NES, tout ça, tu sais, c'est quand même populaire. Il y a plein de monde qui ont ça. Ceux qui font tu sais, beaucoup de rétro gaming connaissent toute la fameuse cassette rouge là, qu'ils achètent sur Internet qui contient genre, je ne sais pas combien de jeux. Toutes les classiques, là, ouais. Toutes des cassettes. Tu sais, c'est toutes des jeux, puis là, c'est toutes des ROM, dans le fond. 401, ah ouais. Fait que là, eux autres, ils achètent ça à je ne sais pas combien qu'elles se vendent, la cassette, là. Non, je pense que c'est 30$. Bon, 30$, tu sais. Puis de l'autre côté, ils chialent que la Switch est trop chère. Puis de l'autre bord, ils volent Nintendo à tour de bras en achetant leurs 700 jeux. T'sais. Ouais, mais c'est parce que c'est plus nécessairement disponible d'avoir le gameplay original. C'est... Ouais, mais c'est pas à cause que, je veux dire, les jeux Nintendo, ils y revendent pareil dans leur console virtuelle la plupart. Là. Mais le monde ne veut pas payer 4,99$ pour un Mario Bros. 1. T'sais, je veux dire, ouais, mais quand ça fait 12 fois que tu l'achètes. Quand ça fait plusieurs fois, tu l'achètes, mais c'est... J'ai acheté la cassette de François Pérusse sur cassette, je l'ai racheté en CD, puis je l'ai acheté en digital. Je n'y ai pas volé sa version CD et sa version digitale parce que j'avais acheté la cassette à la base, puis j'avais dit « Hey, François, je t'ai déjà payé pour ta cassette, peux-tu me donner le CD et me donner ton fichier iTunes? » Ouais, je trouve que c'est clair, mais c'est... Tout le monde en a, je veux dire, tout le monde en a, mais en même temps, on chiale d'un côté, mais t'es vol d'autre bord. Je trouve ça weird. Que Joe, il donne un petit peu trop son opinion pour récent membre. C'est le dernier show à Jonathan, et ennuyez-vous. attachez-vous pas trop, hein? Bon, ben, bye-bye! Non, mais c'est clair que l'émulation, c'est un peu ce que le piratage était de jeux vidéo. Je me rappelle dans le temps du Commodore 64, puis dans le temps de ces espèces d'ordinateurs-là, personne n'achetait des jeux. Là. Il y avait plein de jeux qui sortaient, là. Mais ah ouais. Toutes les amis que je connaissais, là, c'était toutes des copies de disquettes. Là. C'était, j'ai eu... moi, j'avais un ami à l'école. Là, j'ai eu ces 50 jeux-là la semaine passée. Quel de ces 50-là que tu veux? Attends un peu, là. La Dreamcast est morte à cause qu'on l'a copié. Ouais, mais la Dreamcast est morte parce que ces gars n'avaient pas mis un système d'anticopie qui valait quelque chose. Sais, mais tu sais, c'est comme si on se dit « Ah boy, Walmart a fait faillite parce qu'il n'y a pas de système d'antivol. On leur a tout volé leur inventaire. » t'as des choses que tu retrouveras pas nulle part. Oui, Nintendo est probablement la compagnie qui sort le plus de jeux sur leur console actuelle, de vieux jeux sur leur console actuelle, t'as quand même des jeux que tu verras jamais sur la NES classique. Là. Mais des jeux que t'as peut-être aimé sur la NES classique que tu ne reverras pas. Puis, gars, Sega, je dis oui, Sega a certains jeux qui sortent, les Sonic surtout, mais tu sais, les jeux comme Hang On, les jeux comme Wonder Boy, des choses comme ça, c'est des jeux que tu sais, Sega n'a pas sorti de Sega classique. Non, c'est là. Non, c'est pas ça, à eux c'est autres. Ça, Tu vas chercher ton jeu que tu sais, ah cool, hey, ce jeu-là, je ne l'ai jamais retrouvé, mais en même temps, tu vas chercher ceux qui sont disponibles pareil, là, tu sais, sont là. Mais moi, Mario, je l'ai acheté. J'ai Mario Bros 1, 2, 3 que j'ai acheté sur la Wii. J'ai racheté. Ah ouais, moi aussi. Mais c'est des jeux qui vont, bon, peut-être pas Super Mario Bros 2, là, mais tu sais, le 1 et le 3 sont excellents. Oh ouais. Même le 2 a son charme. Là. Mais moi, c'est que même la NES Mini classique, j'écoutais le podcast La Boucle Infinie avec Jean-François Combe, puis il y a un des gars qui est programmeur, puis il connaît bien ben gros le domaine de l'émulation. Puis Nintendo, dans sa NES classique Mini, a repris des ROM, a pas refait le portage numérique de ses jeux, a pris ce qui était disponible sur Internet, parce que dans le code source, t'es capable de voir qui a créé, puis c'est pas Nintendo qui a créé la ROM. Ouais. Donc, tu sais, ça, j'ai entendu aussi, j'aurais aimé ça le voir, le gars qui a vraiment fouillé en code source, puis qui a vu le Gugus, mais bon. Fait que, tu sais, il y a un peu ça, là, tu sais, il y a un peu du serpent qui se mord lui-même la queue. Bon, bon, mais en tout cas. Bon, c'est clair. Mais ça reste que c'est un monde qui existe. Tu sais, si chacun fait ça pour soi, chez eux, puis là, je parle pas de commencer. Oui, si tu veux un Raspberry Pi monté en console de jeu avec 4000 jeux dedans, tu regardes sur eBay, tu vas en trouver. Tu sais, il y a des gens qui vont prendre du stock qui leur appartient pas et se faire un profit avec ça. Si vous faites ça pour vous, dans votre salon, puis pas commencer à copier votre carte SD, mettons, de votre Raspberry Pi, puis donner ça à tous vos chums qui ont un Raspberry Pi, c'est un peu différent. Si vous commencez à distribuer ça partout, puis à essayer de faire un profit avec ça, là, j'ai un problème avec ça, par exemple. Mm-hmm. T'sais, si c'est fait, tu sais, comme il y a quelque chose qui est disparu de sur toutes les DVD qu'on pouvait louer à un moment donné, puis je sais pas si vous en rappelez, mais sur les DVD qui étaient vendus au Québec, c'était marqué toute copie sauf pour l'utilisation strictement privée du copiste est totalement interdite. Ça a disparu, mais à un moment donné, c'était là. Ça voulait dire si tu as loué le film puis tu veux te faire une copie pour le garder pour toi, on est correct avec ça. Mais commence pas à la donner à tout le monde. Ouais. Tu sais? Fait que c'est un peu ça, là. T'sais. Si vous voulez faire ça, gardez ça pour vous autres. Puis, tu sais, commencez pas à vendre ça sur eBay puis sur AliExpress, là. On se garde une petite gêne. De toute façon, il y a assez de Chinois qui font ça pour vous autres. C'est pas besoin d'embarquer là-dedans. Enlevez pas un job à ceux qui enlèvent des jobs, là, quand même, là. C'est vraiment drôle. Je me cherchais, pour mon projet Raspberry Pi, je me cherchais des cartouches vides, une cartouche de remplacement. Fait que juste le plastique d'une cartouche NES puis d'une cartouche Sega. NES, c'est facile, il y en a tout plein. Sega, c'est difficile, fait que j'ai fini par acheter le jeu moins cher avec la boîte que j'ai trouvée. Mais des 401, des 801, des 701, là, ah ouais. Sur AliExpress, là, il y en a 3 puis 4. Fait que, mais de toute façon, tous ceux qui achètent ça, ils ont tous les 7 changeurs à la maison, fait que c'est correct. Ils sont dans la légalité. Faut faire attention. Ça, comme je disais, l'émulation, c'est le fun. Ça permet de rejouer à des choses qu'on ne peut plus jouer aujourd'hui. Mais si c'est disponible légalement quelque part, théoriquement, là, si Nintendo, personnellement, si Nintendo avait pas fait les épais avec leur NES classique, j'en aurais acheté une. Et un jour, je vais probablement en acheter une, mais je ne paierai pas 300$ pour une console qui en vaut 80. Non. Même à 80, elle ne vaut peut-être pas tout à fait ça, mais bon, ça, c'est un autre débat. Il y en a beaucoup qui disent « je ne paierai pas 80$ parce que les jeux, je peux les avoir gratuits sur Internet. » Ouais, mais là, faut pas qu'elle... Mais ça reste qu'elle est cute, la NES. Hein? Ouais, écoute. T'sais, c'est une belle petite console avec du HDMI et tout ça. Si le câble pour la manette était plus long, puis il y en avait dans les magasins, ça se vendrait encore plus. Parce que Nintendo, il faut comprendre quelque chose. Ça va être la même affaire avec la Switch. Hein. Les précommandes, ça a duré quoi, 15 minutes parce qu'après ça, il n'y en avait plus. T'sais. Quand t'en offres au monde, le monde en achète. Eh oui. Moi, j'ai le goût de changer de sujet puis de faire le dernier bout du show parce qu'à un moment donné, il faudrait bien le finir, cette émission-là. Plate, mais... oui, je sais bien. Ma critique de cette semaine et celle de Joe en même temps, puis un peu de Daniel, c'est le jeu de snowboard, de ski, de parapente et de wingsuit. Steep. Moi. Deux activités sur quatre d'intéressantes. Y a-tu du golf aussi, puis du mini-pot? Parce que là, t'avais l'air à nommer pas mal d'affaires. C'est plate, 5 sur 10. OK, bon, ben. Y a pas de crazy carpet, j'étais un peu déçu. Mais moi, j'aime beaucoup ce jeu-là. J'y joue régulièrement. C'est comme mon petit jeu de détente. J'ai bien du fun. Pour placer, là, c'est un monde ouvert. T'as plusieurs montagnes où est-ce que tu peux passer d'une activité à l'autre. Pas mal quand tu veux. Y a, dans chacun des sports, des défis. Il y en a qui sont plus intéressants, d'autres qui sont pas mal moins. Mais grosso modo, moi, j'ai pas mal de fun à découvrir ces montagnes-là, à faire du parapente pour passer d'un spot à l'autre. Puis il y a quelques petits irritants, mais je trouve que ça mérite pas la grogne que vous semblez avoir, les boys. Ah, oh, ben, c'est pas de la grogne, c'est juste que... mais tu sais, ça se peut que ça soit pas trop mon genre non plus. C'est sûr que quand Ubisoft avait dévoilé ça, tu sais, je m'attendais à quelque chose d'assez intéressant parce que c'est un concept qui s'est comme pas vu là, tu sais, c'est un monde ouvert avec des sports divers extrêmes si on veut, tu sais. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle pas, qui m'attire pas vraiment dans ce jeu là. Puis comme je disais, OK là, c'était pas une joke là. Pour moi, il y a deux activités sur quatre qui sont intéressantes. Lesquelles? Lesquelles qui sont pas intéressantes. Non, ben, whatever, il y en a quatre. Là. C'est pas comme si la liste va être interminable. Ouais, c'est vrai. tant qu'à ça. Ben, moi, personnellement, le parapente puis le wingsuit, j'ai vraiment pas trippé. Là. Oh, ah, mais Dan, à grandeur pas à grosseur que t'as, le wingsuit, si toi, ça marche pas, c'est sûr. Que non, ça moi, j'écrase tout de suite. Ben, là. Mais en fait, le parapente, c'est vrai que c'est très relax. Non, là, lui, c'est plus plate, hein. Même quand les parcours sont intéressants, parce qu'il y en a que c'est vraiment nice. Ça, tu passes entre des crevasses, puis t'sais, les vues sont très très belles. C'est pas le plus dynamique, mais j'aime que ça permet de couvrir du grand territoire rapidement, puis de monter, puis d'aller chercher des nouveaux spots. Moi, je m'en sers surtout comme ça. Les épreuves, c'est pas les plus palpitantes, mais c'est aussi pas les plus difficiles. Fait que c'est un mal pour un bien. Le wingsuit, par contre, à l'inverse, je l'aime. Oui, t'as des parcours qui sont vraiment tough. Ça ressemble à du die and retry, là. Mais ça va tellement vite. La sensation de vitesse, c'est vertigineux. Tu finis une course de wingsuit, puis tu capotes d'être capable d'avoir passé à travers. Tu sais, tu vas passer à travers des grottes puis des parois. Là où est-ce que je peux comprendre, c'est que les courses deviennent rapidement très très dures en wingsuit. Oui, ben c'est ça. Tu sais, tu passes à travers des grottes, puis là, ben, c'est faut que tu te souviennes par cœur quand virer à telle place, puis c'est dur de contrôler ton altitude parce que t'as pas de propulsion, tu sais, t'as juste la force du vent, puis. Fait que tu sais, il y a ça, il y a certaines portes de passage qui vont être plus dures à voir parce que ton personnage prend quand même de l'espace sur l'écran, fait que tu vois pas 100% où est-ce que tu peux aller. Mais moi, c'est une des activités que je préfère, là, qu'il y a une sensation qu'ils ont été capables de retransmettre de danger, là, c'est hallucinant, là, ce qu'ils ont été capables de présenter comme image. Moi, ce que j'aime pas du jeu, c'est le gameplay, je le trouve pas le fun. J'ai de la misère. Premièrement, tu peux pas. Tu sais, grinder rien, là. Tu sais, glisser, mettons, sur une. Un peu comme SSX avait. Tu sais, un gros fan de SSX. Tu peux pas faire ça. Les boutons pour prendre la vitesse, pour faire des trucs, je trouve que sont durs. C'est dur faire un truc en snow. Des fois, tu as de la misère à savoir ta hauteur. Tu accroches une pierre, ton bonhomme va arrêter vraiment beaucoup. Je sais pas, c'est le gameplay que j'aime pas. Je trouve c'est vraiment ça. Puis le fait de pouvoir. Tu sais, des fois, là, il faut que tu marches avec ton bonhomme, là. Pour aller. Partir sur un point. Là, ouais. Là tu mets ton truc, puis là, tu marches. Ça me tente pas de marcher. Mais oui, mais marche pas. Prends la map, puis pogne un point plus haut, puis redescends avec un parapente. La map. Avant que tu embarques sur la map. Il y a des affaires sur ta map. Là. Oui, mais c'est. La merde, t'as de la misère à savoir t'es où, t'as de la misère à savoir t'es c'est quoi, qu'est-ce que t'as fait, t'as de la misère à savoir qu'est-ce que t'as fait, t'as de la misère à savoir c'est où. OK, et où ma prochaine étape, là? Qu'est-ce que je dois faire là? Là tu pointes. Mais t'en as pas de prochaine étape. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce que tu vas aller faire. C'est vrai que les picots sont pas les plus clairs pour savoir si tu as déjà pogné une médaille ou non sur. Oui, il y a des picots de couleur si tu as une médaille. Ah oui, mais c'est minuscule. Mais oui, mais achète-toi une plus grosse TV. C'est pas la faute du jeu, ça là. Hey, imagine, ils vont la sortir sur Switch. Tu verras rien, les picots. Ah non, ça, j'avoue, il va falloir qu'ils adaptent. Mais c'est pas le problème, là, encore, là. En tout cas, il n'y a pas d'ordre logique dans les épreuves. Tu fais vraiment qu'est-ce que tu veux, quand tu veux. Il y a un côté très chill. Tu veux descendre en complète liberté, tu peux le faire. Pour les tricks, moi, j'ai pas trop de misère. C'est vraiment juste les deux gâchettes en arrière. Mettons que l'étendue de possibilités est pas super grand. Ça, je vais être d'accord avec toi. Le fait qu'il n'y ait pas de rail puis de pouvoir faire des listes sur des barres ou des choses comme ça, ça limite les options. Par contre, ce qu'on a fait quand c'est des pistes non conventionnelles, t'sais, en nature, je trouve que ça marche super bien pour pouvoir faire des tricks. Là où est-ce que j'ai particulièrement, moi, de la difficulté à faire des tricks, c'est les places où est-ce que tu as des modules faites pour ça. Dans des jeux de snowboard, normalement, on va faire en sorte, comme dans une demi-lune, que ton personnage va être sur le plan de la demi-lune quand tu fais son trick. Tandis que là, tu restes sur l'horizontale, mais ta pente est à 90 degrés sur le côté. Donc là, c'est particulièrement difficile. Mais dans la nature, tu le sens pas, puis ça marche super bien. Le jeu est pas parfait, mais le nombre d'options qu'on t'offre, pour moi, ça vient compenser largement. Il y a une course, entre autres, que tu dois faire en snowboard ou en ski, que c'est un ancien tracé de bobsleigh. C'est cœur, hein? Elle est super tough, mais c'est grandiose ce que tu es capable de faire dans cette affaire-là. T'as aussi un parc de jump qui est un peu caché, que les buts, c'est toutes des faces de les lapins crétins. Vous n'êtes pas tombé là-dessus encore? Bon, non, vous n'avez pas assez joué. Il y a vraiment des épreuves grandioses. L'utilisation du monde ouvert, j'ai rarement vu un jeu te montrer une perspective aussi grande de l'univers accessible. C'est un jeu qui est magnifique. Ouais. Oui. La vue sur les montagnes puis tout. Je comprends pourquoi tu dis que c'est un jeu qui te relaxe, là, parce que oui, justement, des bouts, j'avais l'impression d'être dans une peinture de Bob Ross. Avoir sur Netflix. Oui. Let's put a tree here. Mais c'est un jeu qui est magnifique. Il y a plusieurs montagnes. D'ailleurs, dans ce jeu-là, les montagnes te parlent. Oui. Tu peux apprendre l'historique des montagnes, mais c'est vrai que le voir, voir la vue, tu comprends-tu? Voir les panoramas. Les paysages. Les panoramas. Puis l'effet de la neige aussi est intéressant. T'sais, la neige est molle, mais tu sais, il y a un bon amas de neige là, sur les montagnes, mais ça tu le sens. Là, tu vois tes traces, soit de snowboard, soit de ski, ou encore quand tu marches. Moi, je fais jamais de ski parce que le fait d'avoir mon bonhomme à reculons, ça m'énerve. Oui, c'est fatigant, ça. Fait qu'il n'y a pas d'épreuve de ski. C'est ski ou snowboard. Fait que je prends tout le temps snowboard. Fait que dans le fond, il y a trois épreuves. Moi, j'ai regardé le wingsuit, le parapente, le snowboard, mais j'aurais mis d'autres choses ou rien. Là, j'aurais mis trois parce que c'est la même affaire. Puis c'est comme plus facile à contrôler le snowboard parce que t'as pas de reculons. T'sais. Ouais. Puis il faut dire une chose aussi, ce jeu-là utilise beaucoup la force G. Puis c'est comme ça que ton personnage peut se péter la gueule. Ouais. Parce que dans le fond, c'est que quand t'atterris ou quand tu fais des tricks, whatever, tu sais. Ça, c'est un aspect que j'ai quand même aimé, tu sais. Veux pas, il y a la forgée qui rentre. Puis si t'atterris trop brusquement, ben ton personnage n'est pas capable d'encaisser, là. Mm-hmm. Fait que. Puis la même chose quand tu rentres dans une roche ou quand tu rentres dans un arbre, tu sais, à un moment donné, dans la vraie vie, fais ça, là. Puis. Tu vas tenir pendant un bout, là, ouais. Ouais, ou tu vas peut-être te manquer un bras. Peut-être. Mais tu sais, ça, c'est considéré dans le jeu. T'sais, tu peux pas faire des tricks de malade à répétition sans qu'il y ait de conséquences sur ton personnage parce que la forgée va avoir un impact finalement sur le corps de ton athlète. Fait que ça, j'ai aimé ça. Une affaire que moi qui m'accroche beaucoup, c'est le fait qu'on ne peut pas regarder la map sans retourner à notre point de départ. Quand t'es en exploration ou tu viens de finir une épreuve, puis là tu continues à glisser, puis là tu veux regarder sa map puis te dire ok ouais j'ai telle place que je veux aller découvrir que on me dit que j'ai une zone de drop potentiel, ben tu vas revenir au point de départ de ton truc, mais sur ta carte ça t'indique pas où est-ce que tu regardes. Fait que par rapport à où est-ce que tu veux te rendre, c'est difficile d'établir la relation entre les deux. Fait que ça vient confondant. Aussi le fait que c'est une map en 3D, tu sais, un petit peu comme dans Skyrim, t'as comme un effet 3D entre les spots, mais là c'est les montagnes sont tellement grosses que même le plus loin que tu t'éloignes, tu restes quand même assez le nez collé de ces montagnes. Fait que t'as de la misère à avoir une perspective globale de la situation. Puis les montagnes, ben t'es à 360 degrés alentour d'eux autres qu'il y a des épreuves. Fait que des fois t'es d'un point de vue, tu regardes, puis là, l'épreuve est comme en arrière. Fait que là, t'essaies de te tasser. Puis quand tu te tasses, tu te ramasses sur le point de vue de la montagne qui est à côté. Fait que là, tu switches de montagne au lieu de continuer à faire ta rotation alentour de la montagne que tu regardais. Fait qu'il y a une question de perspective sur la carte qui est problématique qui aurait pu régler juste en permettant de dézoomer encore plus. Le fait de pas pouvoir dézoomer, ça amène le fait que tu vois pas les limites de ton monde ouvert. Ce qui donne l'impression que c'est super grandiose, que t'as tout le temps plus loin à aller voir. Fait qu'il y a comme un balance. Si t'étais capable de reculer jusqu'à avoir toutes les limites de ton monde ouvert, ben tu verrais que c'est pas. Ben, ça donnerait l'illusion que t'es pas dans un univers si grand que ça, même si le terrain est grand là, en réalité, c'est qu'ils ont voulu jouer sur la perspective, puis ça nuit à la lisibilité de la carte. Maudite map. Ah ouais, je sais bien. Sinon, les épreuves, c'est ça, c'est pas tout égal. Le niveau de difficulté, quand c'est 3 étoiles, là, c'est vraiment tough. Même 2 étoiles, si t'es en wingsuit, ça commence à être très, très dur. T'as des épreuves où est-ce que tu dois faire des tricks, comme je disais, dans des vrais modules ou encore la pente où est-ce qu'il y a des lapins crétins. Le score pour avoir une médaille d'or, c'est genre 1000 points, mais c'est tellement tough avoir 1000 points parce que les... Dans les anciens jeux, c'est que tu avais un multiplicateur. Mais là, avec la force G, quand tu atterris, tu as toujours un débalancement. Puis là, ton prochain saut, oui, va être plus payant, mais il y a plus de chances que tu ne l'atterrisses pas. Fait que c'est de gauger ta vitesse et ton positionnement pour être capable de maximiser tes atterrissages et tes tricks. Puis ça devient extrêmement complexe. Et à l'inverse, t'as des places où est-ce que t'es plus dans la nature, où est-ce qu'ils vont dire ben 30 000 points, puis tu vas le faire en 2 sauts. Tu sais. Il y a comme un débalancement sur la difficulté de ces épreuves-là selon le territoire sur lequel t'es en train d'essayer de les faire. C'est pas un jeu parfait. Il y a des critiques, puis j'enlève pas ce que vous dites, Jonathan, puis Daniel. Oui, ça peut être perçu comme négativement. C'est le genre de jeu que tu dois être dans le bon mode d'esprit. Tu dois avoir, tu dois être au bon moment, au bon endroit dans ta vie pour jouer à ce jeu-là, pour vraiment l'apprécier pleinement. Moi, je suis dans une, tu sais, j'ai commencé une nouvelle job, fin des études, tu sais, fin de mon bac. J'avais pas le goût de me casser la tête. Moi, j'arrive sur ce jeu-là, puis bon, où est-ce que je m'en vais? Puis là, je marche des kilomètres et des kilomètres, me rendre à mes points. J'observe mes montagnes, je regarde les paysages. Je suis vraiment en mode chill quand je game. Tu sais, j'ai pas le goût de faire du bottom mashing ou encore de me casser la tête pour des énigmes. Là, je fais, j'ai le goût d'une épreuve. Quel sport? Ok, ce sport-là. Ok, c'est bon, je vais. Ça me tente plus, je laisse faire ça. J'ai pas le sentiment de devoir réussir toutes les épreuves en or. Tu sais, je me mets même pas cette pression-là. Je suis vraiment en mode très chill, puis ça fit parfaitement avec ce jeu-là. Faut le voir comme étant un bac à sable où est-ce qu'on te permet de faire des choses comme tu le sens, comme tu le désires, tant que c'est des sports d'hiver et que c'est pas des meurtres de prostituées comme dans GTA, là. Mais sinon, tu peux être déçu un peu, là. Ils ont pas mixé les deux. Ben t'sais. Non. Quoi que ça aurait pu être malade. En deux épreuves de snowboard. Ben ça aurait pu être malade. T'as des villages vides, là. Il aurait pu avoir du monde puis rentrer dans le monde avec tes skis, là. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, faut être dans le bon état d'esprit. Puis si c'est le cas, tu vas trouver plus de qualité que de défauts. Ou les défauts, tu vas les ressentir moins négativement. Moi, je vais y aller avec un 7.5 parce que j'ai eu quelques bugs où est-ce que tu te fais expulser des textures, tu passes en dedans des montagnes. Il y a certains plans de roche que c'est escarpé juste pour être escarpé, puis ils ont mis des pointes partout, puis là, ben, finalement, tu te ramasses dans une crevasse que personne n'avait observé avant, puis là, t'es coincé là. Le fait aussi, comme je disais dans le démo, que pour changer de sport, tu dois être complètement arrêté, et si tu te ramasses dans une crevasse ou même à côté, c'est une maison, ça a de la niaison. Ah, là, t'es à côté, c'est à la maison, puis là, t'as la pente, t'es plus capable de bouger, ben, t'es plus capable d'aller où est-ce que tu veux aller, mais ton personnage glisse tout le temps un petit peu. Fait que tu peux pas changer de sport, tu peux pas te mettre à pied pour marcher puis te tasser. Faut que tu retournes à la map. Puis si tu retournes à la map, tu reviens à ton point de départ de ta ride. Donc, tu sais, il y a des petits défauts de même qui viennent pas tuer l'expérience, mais qui viennent gâcher, qui viennent donner un petit goût amer à cette expérience-là. Mais je pense qu'un 7.5, pour l'exploit technique quand même que c'est d'offrir ce genre de monde-là avec ces possibilités-là, je pense que c'est une note qui est assez fair selon l'expérience que moi j'en ai comme de gameplay. Là. Êtes-vous d'accord? Ou non? Non. Non? Mais non. Bon, moi, je mets moins, mais je suis d'accord avec ce que tu dis pareil. Je t'appuie dans ta démarche. Toi, Joe, tu mettrais non, combien à ce jeu-là? Okay. Non, moi, je mettrais un 5 ou un 6. Ah ouais, ok. Ça parce que c'est pas ça que je cherchais, je pense. Je pense que le jeu, il fait juste pas s'adresser à moi. Moi, je cherchais une suite spirituelle à SSX. Ah, très arcade. Je vois qu'il est rétro-compatible sur Xbox One. Je cherchais un jeu pour faire des tricks. Je cherchais un jeu... tu sais, en attendant d'avoir un bon jeu de skate, je cherchais un bon jeu de snow. Yay, sortez-nous Skate 4! Yay, non, mais s'il te plaît! Tu sais, c'est pas ça que j'ai eu, puis j'ai été déçu. Fait que c'est vraiment une note sur ma déception, genre, c'est vraiment personnel et non pas sur le travail. Tu sais, le travail, je peux voir que les graphiques, c'est écœurant, là. Tu sais, tout est beau, les bugs, je les ai eus comme toi. Ouais. Mais c'est vraiment c'est pas ça que j'attendais. Là. Un peu comme plus tôt cette année, je m'étais acheté un jeu de rallye qui était beaucoup trop dur, puis c'est pas un jeu de course que j'attendais. Donc ça, c'est pas le jeu que j'attendais. Donc mon appréciation est vraiment pas bonne, mais c'est pour ça que je tiens pas une note. C'est pas sur le titre en tant que tel plus que comment toi tu y as touché. C'est ça, je peux voir que le jeu, pour ceux qui veulent y aller faire des sports d'hiver, comme tu dis, le relax, là, ils vont adorer ce jeu-là. Mais moi, c'est pas ça que quand j'ai acheté ça, puis je l'ai mis, puis je vais être « Ah, j'aurais dû jouer à la démo. » Ouais. Oui, t'aurais dû, parce qu'il y en a eu une. Puis c'est... Mais je le sais, puis ce jeu-là, je l'attendais au E3, là, si vous réécoutez l'émission proche du E3, je l'attendais, ce jeu-là, j'étais sûr que c'était pour être... Le jeu que j'attendais, mais non. Mais tu sais, on nous l'a présenté beaucoup, les vues, puis tu sais, dans un E3, c'est comme au cinéma, là, les trailers, là, t'essaies de présenter des affaires hot, puis. Mais c'est un monde ouvert, fait que veux pas, entre les épreuves, tu sais, t'as du temps flottant, c'est pas toujours sur le high, là, tu sais, c'est pas toujours à côté dans l'action, là. Non, c'est fait ça. J'ai de la misère avec la map, puis j'ai de la misère. J'ai vraiment de la difficulté à savoir, puis. Tu sais, qu'il n'y ait pas de ligne à suivre, moi, j'aime moins ça. T'sais, j'aurais aimé avoir telle épreuve, après ça, telle là, whoop, un défi, tu sais. Moi, j'adore ça parce là. Que si tu coinces à une, tu t'en vas ailleurs, tu sais. Ouais. Donc, c'est on ça. Fait le violent, moi, puis Joe, on fait pas zen, OK? Tu comprends ce que je veux dire? C'est moi, bien je voulais, tapocher les adversaires avec mon snowboard, en arrière de la tête. Tiens, toi. Moi, je voulais décapiter tout le monde. Ouais, il voulait que ça soit comme un film de James Bond, là, tu sais, avec le fusil quand il descend à pente, ouais. En ski, là, puis il tire des sauts. Tu sais, c'est ça qu'il voulait. Ouais, non, c'est pas ça. Le jeu qu'il attendait et qu'il attend toujours. Ouais, non. Ouais. Faudrait que quelqu'un, là, ben niche, là, décide de faire un jeu pour Joe, mais ça arrivera pas. Sur ce, c'est ce qui complète pour les chroniques de cette semaine dans la réalité augmentée. Luc, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Sur Twitter, @Calazormo. Il y a aussi un autre petit projet que je fais qui s'appelle Ça roule radio, qui est un podcast sur l'automobile que je fais avec l'ami Marc Bouchard. Et puis, c'est ça. C'est le Salon de Montréal cette semaine ou la semaine prochaine, dépendant quand vous écoutez l'émission. Donc, si vous suivez mon compte Twitter et la page Facebook de Ça roule radio, vous allez voir toutes les nouveautés annoncées à Montréal. C'est jeudi le 19 pour nous autres. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça, ça fait le tour. Nice. Joe de ton bord. Ah, AstroBoy_3000 sur Twitter ou Jonathan Turcot sur Facebook. Daniel? C'est assez court hein, pour Joe. C'est short and sweet. De mon côté, Facebook, Daniel Carcella. J'ai encore reçu des demandes weird récemment, fait que c'est ça. Si votre nom est weird, ça se peut que j'aille un doute. Twitter @DracoADG, probablement la façon la plus facile de me suivre. Sinon, vous pouvez lire mes textes sur affairesdegars.com dans la section techno jeux vidéo. Je reviendrai notamment sur la Switch, très très prochainement. Là. Donc, je décortiquerai ça. Et toi, mon JB? Tu m'as fait penser avec tes demandes louches. Il y a l'humoriste Arnaud Soli qui s'est amusé à faire une vidéo qui voyage pas mal avec des noms bizarres qu'on voit sur Facebook à reprendre la toune Tu me manques ou whatever de Calvaire de la chicane. Mais toutes les paroles, c'est des noms genre de monde. C'est tellement drôle. Fait que ça m'a fait penser à ça. Hey, avant de passer à toi, j'ai eu deux bulles. Bon, premièrement. Vas-y. Je me rappelle du quatrième jeu, on parlait d'Ubisoft. Pour la Suisse, c'est Just Dance 2017. Quatrième jeu de lancement. Puis, sachez que la Switch va supporter des cartes SD de 2 TB. Le problème, c'est que les cartes 1 et 2 TB n'existent pas en ce moment. Mais elles seront supportées. Ah, et ça va sûrement coûter... Une carte de 2 TB va sûrement coûter deux fois le prix de la Switch, donc... C'est ça. Fait que, voilà, c'était mes bulles. Personne ne va s'acheter ça. Ah, Nintendo. Moi, sur Twitter, @GangJ_B, je vais gagner sur Facebook. J'ai un autre podcast qui s'appelle La POC, qui est bimensuel. Donc ça veut dire aux deux semaines, Jonathan, si tu n'avais pas compris. Je ne sais pas pourquoi je te plains. Je te pointe toi, mais en tout cas. comme si toi, tu comprenais pas bimensuel. J'ai tellement une haute estime. Non, je comprenais pas. Merci. Charles t'a dit mensuel. Hein, je suis tellement méprisant. sinon, c'est ça, mon autre podcast qui s'appelle La POC avec mon comparse Jerry Godbout. Pour ce qui est de la réalité augmentée, sur Twitter, @realityaug, facebook.com/realityaug. realityhug.com, notre site internet et notre adresse courriel podcast@realityhug.com pour pouvoir nous écrire. Si vous avez des étoiles et des commentaires à mettre sur iTunes, c'est toujours très apprécié. Et c'est pas mal ça pour les manières de pouvoir nous rejoindre sur les internets en tant que podcast en général. Merci Daniel, Luc et Jonathan de votre participation encore une fois cette semaine à ce beau programme. Merci à toi. Merci. Et je vous dis à vous les autres, merci aussi et à la prochaine dans un autre élément. Bye bye. Bye. Bye. Bye.